Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1685, Jean-Baptiste Tavernier et la révocation de l'édit de Nantes. Le protestant Jean-Baptiste Tavernier se pensait à l'abri. Ce vieil homme qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a cessé de parcourir le monde, qui a fait fortune dans le commerce avec l'Orient, achetant et vendant épices, tapis, bijoux et surtout pierres précieuses, familier de toutes les cours d'Europe, a été anobli en 1669 par Louis XIV en guise de reconnaissance. Et c'est le roi Soleil aussi qui avait demandé à ce grand voyageur de rédiger ses mémoires. Mais aujourd'hui, le vieux protestant est un homme malade, traqué, humilié, seul. Car en 1685, ce même roi a ordonné la révocation de l'édit de Nantes. Cet édit de Nantes, promulgué un siècle plus tôt par Henri IV, qui mettait fin aux guerres de religion et permettait aux protestants de vivre en paix. Mais sur ordre de Louis XIV, en plein délire absolutiste, un déchaînement de haine et de persécution s'est abattu sur eux pour les contraindre à se convertir. Pendant un an, Jean-Baptiste Tavernier s'est cru à l'abri des persécutions. Mais en décembre 1686, alors que l'étau se resserre, le vieil homme qui refuse d'abjurer sa foi ne verra qu'une solution, prendre la route de l'exil. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Patrick Cabanel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire et sociologie des protestantismes. Alors dans votre monumentale et passionnante Histoire des protestants de France, qui est parue chez Fayard en 2012, vous parlez à propos de la révocation de l'édit de Nantes, d'une ambiance de fin du monde, destruction des temples, repentance, conversion, diaspora. Vous écrivez que du jour au lendemain, une religion est morte en France. Cet événement a vraiment été un cataclysme à la fin du XVIIe siècle. Oui, c'est exactement le mot. C'est la catastrophe, à la fois la fin d'une histoire et d'une certaine façon le début de notre histoire, le début d'un malheur séculaire qui va marquer définitivement la minorité protestante, qui va apprendre pendant un siècle la clandestinité, l'interdit, l'exil. J'empruntais à dessein des mots qui caractérisent plutôt l'histoire des Juifs séfarades, parce qu'il y a des parallèles à faire. Ceux qui sont restés en France ont vécu une sorte d'expérience marane, c'est-à-dire ils sont restés secrètement protestants, secrètement fidèles à la foi interdite, tout en jouant le jeu, je dirais le jeu minimum d'une appartenance à ce qui est devenu la religion officielle et unique. Et puis ceux qui sont partis, comme Tavernier, ont vécu vraiment une diaspora, parce qu'ils sont pas partis d'un seul pays. Ils se sont répandus dans l'ensemble des pays protestants d'Europe, dans les colonies de ces pays, ce qui explique qu'il y aura des Huguenots français dans ce qui deviendra l'Afrique du Sud, dans ce qui deviendra le Suriname, et bien sûr dans ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique. Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant est celle très particulière, donc d'un homme, Jean-Baptiste Tavernier, dont la vie a été bouleversée par la révocation de l'édit de Nantes. Et pour bien comprendre Patrick Cabanel, pouvez-vous nous rappeler quelle était la situation des protestants en France au XVIIe siècle, justement, depuis l'édit de Nantes? Elle est celle d'une minorité tolérée, mais pas au sens, je dirais, positif que nous avons souvent du mot tolérance, mais au sens de la monarchie d'Ancien Régime, je dirais de l'Europe de ces siècles-là, c'est-à-dire tolérer à l'époque, ça veut dire accepter de subir ce que l'on ne peut pas transformer. Et au XVIe siècle, la monarchie catholique a compris qu'elle ne parvenait pas à éradiquer le protestantisme, malgré les procès, les massacres, la Saint-Barthélemy, j'en passe. Elle a compris qu'il fallait inventer un mode de ce qu'on a pu appeler de coexistence plus ou moins apaisé, en tous les cas juridiquement vérifié, garanti par l'État, et après une série d'édits de pacification, ils portaient tous le même nom. Ils avaient d'ailleurs tous à peu près les mêmes clauses, mais aucun n'a duré. Chaque fois, une guerre de religion venait emporter l'édit dit de coexistence, jusqu'à ce que Henri de Navarre, devenu Henri IV, ait, je dirais, l'autorité, la force suffisante pour imposer aux deux camps, aussi bien à ses anciens amis, les protestants, qu'aux catholiques, évidemment très majoritaire, leur imposer cet édit de Nantes dont la principale spécificité est qu'il a duré. Il a duré jusqu'au bon vouloir de Louis XIV au moment de la révocation en octobre 1685. Et pendant donc un peu moins d'un siècle, on a affaire à une minorité qui est garantie par l'État, qui est protégée par l'État, mais qui en même temps est confinée, pardon d'utiliser aujourd'hui ce mot, est confinée dans un droit qui est un droit très inégal. C'est une minorité qui ne peut plus se développer, s'épanouir, et qui va finir par être guettée ensuite par ce qu'on a appelé l'application à la rigueur de l'édit de Nantes destiné à l'asphyxier. Et les protestants, vous dites qu'ils sont une minorité, mais à peu près combien sont-ils justement ? Alors, ils étaient à l'apogée, avant que les violences se déchaînent, les violences urbaines, ils étaient au début des années 1560, à environ 10 à 12%, c'est l'apogée qu'ils ont pu atteindre, et puis ils sont allés diminuant sans cesse, une sorte de, c'est l'image classique de la peau de chagrin, que l'édit de Nantes lui-même n'a pas réussi à, je dirais, à contenir, et donc il y a une sorte de diminution régulière, on est aux alentours de 4,5% de la population française au moment où la révocation va être proclamée, et ensuite il restera, je dirais, un noyau, mais alors ce noyau-là sera vraiment irréfragable, de 2% de la population, qui va tenir bon, je dirais, jusqu'aux années 1960-1970, où ce noyau historique va être renforcé et enrichi par ce qu'on appelle aujourd'hui les évangéliques, qui vont faire qu'aujourd'hui on est plutôt entre 3 et 4% de la population. Merci Patrick Cabanel. Je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Jean-Baptiste Tavernier et la révocation de l'édit de Nantes, un texte de Bertrand Leclerc, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Pascal Deux. Allez au diable. Scélérat misérable. Arracher une conversion, un vieillard solitaire en proie à la fièvre. Ah, elle est belle, votre foi. Le roi Louis en personne m'a autorisé à rester dans ma religion. Vous n'avez aucun droit, aucun. Je suis le baron d'Aubonne, chambellan à la cour du grand électeur de Brandebourg. J'ai dîné avec le chat de Perse, le grand mogol. Ignorant, ils ne savent pas. Qui les a informés de mon état ? Mon Dieu, comment son illustre majesté peut-elle tolérer cette insolence ? Sire, j'ai passé ma vie à vous servir. J'ai répandu jusqu'aux Indes le rayonnement solaire de votre renommée et tout ça pour qu'en ma 81e année, je ne doive subir ces humiliations. Décembre 1686, un an après la révocation de l'édit de Nantes, Jean-Baptiste Tavernier est revenu chercher refuge là où il a grandi, sur l'île de la Cité, à Paris. Le célèbre voyageur a beau avoir été anobli par le jeune Louis XIV, 20 ans plus tôt, il n'échappe plus à la surveillance étroite du tout-puissant lieutenant de police de Paris, Gabriel Nicolas de Larénie. Les protestants parisiens, épargnés jusqu'à présent par les persécutions militaires qui dévastent les provinces huguenotes depuis 5 ans, sont désormais dans l'œil du cyclone. Un voile de terreur s'est abattu sur l'île de la Cité, le quartier autrefois si industrieux des artisans d'art protestants, où libraires, joailliers, orfèvres, relieurs ou cartographes ont porté au plus haut le savoir-faire français. Jean-Baptiste Tavernier est issu de cette éclatante réussite. Lui qui a exporté jusqu'aux Indes l'excellence française pour en revenir chargé d'épices, de tapis et surtout de diamants, comme le fameux diamant bleu qu'il a vendu à Louis XIV parmi un millier d'autres pierres précieuses en décembre 1668. Si sa femme, Madeleine, semble à l'abri en Suisse, Tavernier a laissé la nasse se refermer sur lui. Le passeport qu'il réclame lui est refusé. Et son abjuration serait une prise de choix quand Louis XIV ne veut plus voir désormais qu'une seule religion en son royaume. Voilà. L'aubergiste voit juste. Vous semblez beaucoup mieux, malgré cette intrusion. Je vous rapporterai le linge jeudi, mon oncle. Tu te rends compte? C'est un officier de police qui m'a amené ce prêtre. Il prétendait me convertir. Me convertir pour me donner l'absolution. Il me voyait déjà mort. Comment ont-ils su que je logeais ici? Que j'étais malade? Les mouches sont partout. Vous savez, partout. Les quoi? Les mouches de l'araignée. Ses informateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler pour lui contre un peu d'argent ou pour éviter la prison. Ils sont infiltrés jusqu'au sein des familles. Des myriades d'yeux et d'oreilles invisibles. Il faut se méfier de tout le monde, mon oncle. Tout le monde. Qui sait même si l'aubergiste ou sa femme. Non. Ou ce commis dont je n'aime guère le regard. Aucun des nôtres ne peut bouger le petit doigt sans que cela revienne aux oreilles de l'araignée. Le soupçon empoisonne toutes les relations. Hier soir, le sieur Beck a été emmené. Mais ce renégat s'est converti au catholicisme en octobre. Oui, mais il n'a pas souvent été vu à la messe et des lettres auraient été interceptées. Il est accusé de fausse conversion, de dissimulation. Mon oncle, il ne suffit plus de renoncer à notre religion, mais de se montrer fervent catholique. Mon Dieu. Partout, sur l'île de la Cité, les familles se déchirent. C'est triste à dire, mon oncle, mais c'est 2 semaines qu'a duré votre fièvre. Les conversions se sont multipliées. Jamais, jamais je ne renoncerai à la religion réformée dans laquelle il a plu à Dieu de me faire naître. J'ai vu suffisamment de sortes de religions de par le monde pour le savoir. La nôtre est incomparablement plus grande. Rien ne m'en fera changer. Prions pour qu'il soit possible de résister. Je suis protégé. Je vous emmènerai, Jean, Melchior et toi. Vous avez parlé à Melchior de notre projet ? Chut ! Ne parlez pas si fort. Jean dit que Melchior est trop jeune pour se voir confier le secret d'un départ. À 13 ans, est-il capable de tenir sa langue? Vous attendez quelqu'un? Pas un mot. À personne, mon oncle. Vous m'entendez? À personne. Entrez. Ah, Jacques, eh ben pour une surprise, que me vaut votre visite, mon ami? C'est que nous avons un problème, Jean-Baptiste. Il faut parler de toute urgence. Que se passe-t-il? C'est que... Pardonnez-moi, madame, mais... Vous pouvez parler sans la moindre crainte. Suzanne, je te présente Jacques Delaunay, sieur Duplessis, secrétaire ordinaire de Feu la Reine. Mon oncle m'a beaucoup parlé de votre action en sa faveur à la cour. Suzanne est la petite nièce dont je vous ai souvent parlé. Son époux, Jean Soubéran, est imprimeur sur le quai faisant face à celui de la Mégisserie. S'il m'arrivait malheur, alors que mon épouse Madeleine est à l'abri en Suisse, vous pourriez la considérer comme mon mandataire. Justement, justement, Jean-Baptiste. Le sieur Régnard, commissaire au Châtelet de Paris, a fait intrusion dans ma demeure la semaine dernière. Comment savait-il que vous y avez déposé vos biens? Je l'ignore. Cette fouine a prétendu dresser procès-verbal de tous les meubles, diamants et pierres précieuses, tentures de tapisserie, marchandises curieuses et autres effets venus d'Orient qui vous appartiennent. Mais de quel droit? De quel droit? De quel droit? Les biens d'un protestant qui aurait des velléités de fuir peuvent être saisis à tout moment. Cela lui suffit bien. Jean-Baptiste, les protections ont désormais leurs limites. Aider un calviniste sera bientôt aussi dangereux que d'en être un, hélas. Vous savez à quel point je réprouve cette violence jalouse partout à l'œuvre. Et je comprends les raisons de votre entêtement. Mais il vous faut mettre vos biens à l'abri ailleurs que chez moi. Je n'ai plus nulle part où les entreposer, vous le savez bien. Comme nous avons à regretter la disparition de Colbert. Il était le dernier rempart aux absolutistes. Ceux qui maintenant ont l'oreille de Sa Majesté. Il suffit pourtant de venir ici, l'île de la Cité. On venait y admirer l'activité foisonnante, Cette désolation aujourd'hui. Tous les ateliers qui ont fermé en moins d'un mois. On dit que le roi ignore tout de la brutalité des méthodes employées. Il est bien le seul en son royaume. Personne n'ose dénoncer les exactions. Tant Sa Majesté se montre satisfaite de constater chaque jour l'augmentation du nombre de conversions. Et si je vous faisais officiellement donation de mes biens? Une donation? Mais c'est... J'ai une totale confiance en vous, Jacques. Je sais que vous êtes l'honnêteté même. Si vous aviez ce document, vous seriez à l'abri des soupçons. Mais est-ce que ces policiers ont désormais tous les droits? Ils peuvent même s'en prendre à un catholique de votre qualité? L'araignée jouit de la confiance du roi, qui le crédite d'avoir nettoyé Paris, d'en avoir fait aux yeux de toute l'Europe la ville lumière. La ville lumière, parlons-en. Même la nuit, les mouches voient tout. Il n'y a pas une ruelle sans lanterne où l'on pourrait se faufiler pour leur échapper. Gabriel Nicolas de Larénie, nommé par Colbert, premier lieutenant général de police à Paris en 1667, s'est révélé l'instrument parfait d'une politique destinée à nettoyer la ville, au sens propre, grâce à la taxe dite des boues et lanternes, comme au sens figuré, lorsqu'il s'agit d'en finir avec la cour des miracles et désormais avec le protestantisme. En quelques années, Larénie a inventé le terme et la fonction de commissaire de police, organisant en sous-main un impressionnant réseau d'indicateurs, les mouches dans la ville et les moutons en prison, tous d'une efficacité diabolique à l'heure de la chasse aux protestants. Rien ne leur échappe, même la nuit, depuis que l'araignée a fait installer pas moins de 6500 lanternes dans les rues. La surveillance ne connaît plus de trêve. Le jour, les indicateurs filent les suspects et la nuit, à la chandelle, ils écrivent leur rapport. À Monsieur Larénie. Je prends la liberté de vous renvoyer les lettres du sieur Beck, ce protestant prétendu converti à la vraie religion. J'en ai mis à part quelques-unes que j'ai vues qui pourraient servir de preuve contre lui, ou au moins d'où l'on pourrait tirer quelques lumières sur les affaires présentes. Quant au sieur Tavernier, il est vrai, monsieur, qu'il est venu loger, il y a aujourd'hui un mois, chez l'aubergiste rue aux Fèves, derrière la pomme de pin. Et je ne sais pas comment il m'a échappé de vous en rendre compte. Surtout que, d'après son logeur, il affirme que le roi lui aurait permis de rester dans sa religion. Il s'est trouvé de nouveau mal hier au soir en soupant, et comme c'est un homme fort âgé, il serait en danger de mourir dans sa religion. J'aurais besoin, monsieur, d'aller recevoir vos ordres quant à ce sujet. C'est bon. Je m'en vais dormir à présent. C'est bien avant qu'il aurait fallu partir. Avant le 16 octobre 1686, ce jour funeste où Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. Cette révocation n'est que le fruit empoisonné d'une politique absolutiste mise en place de longue date. Depuis plus de 4 ans déjà, les témoignages abondent des effrayantes dragonnades qui dévastent les provinces huguenotes. Installés chez l'habitant calviniste à ses frais, les soldats ne connaissent pour tout interdit que le meurtre et le viol. Jean-Baptiste Tavernier, se croyant protégé par sa richesse et sa notoriété, n'en a tenu aucun compte. Au prétexte de régler ses affaires parisiennes entre 2 séjours à la cour de Berlin, où le réclamait le grand électeur Frédéric Guillaume Ier de Brandebourg, il s'est précipité dans la gueule du loup juste avant que les mâchoires ne claquent. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il s'impatiente de rester sans aucune nouvelle de son neveu, Pierre. Celui-ci, installé en Perse à Ispahan pour y servir de relais, ne donne plus aucune nouvelle de la caravane revenue des Indes et chargée de 1000 trésors qu'il devait convoyer jusqu'à Paris pour son oncle. Vous lui faites donc tant confiance que vous lui laisseriez tous vos biens à ce sieur Duplessis? Ai-je le choix, Suzanne? Vos pierres précieuses? votre inestimable collection de faïences sans aucune contrepartie. Libre à lui ensuite de décider de ne plus vous les rendre. C'est un honnête homme. Et c'est aussi mon meilleur relais à la cour. La confiance, Suzanne. J'ai construit ma vie, ma destinée de marchand sur la confiance. L'honnêteté est la première qualité du commerçant. Voilà bien d'ailleurs quelque chose qu'il s'agit d'inculquer à Melchior, avant même qu'il devienne mon apprenti. Le grand secret dans les affaires pour bien gagner, c'est d'être désintéressé, Suzanne, et de savoir même perdre à propos. Seule la plus grande honnêteté peut engendrer des relations commerciales durables, et donc profitables. La tentation ferait vaciller des plus honnêtes quand vous voilà pieds et poings liés. Et votre neveu Pierre, à mon avis, c'est bien parce que vous êtes à terre qu'il ose vous laisser sans nouvelles depuis plus de 18 mois. Philippe de Sanis est parti sur ses traces. Alors qu'il est, il doit être à Moscou. Allons bon. Le flamboyant de Sanis. Prince de sang persan. Ah, il est séduisant. Mais en épousant la sœur de votre femme, c'est votre fortune qu'il a choisie, mon oncle. Allons, Suzanne, cela suffit. Elle a 20 ans de plus que lui. Tu ne l'as jamais apprécié. Philippe de Sanis est très brillant, très séduisant. Mais enfin, cette histoire qu'il raconte, pardon, hein, mais il fallait être aveugle. Il s'affirme prince du sang persan. Vous en a-t-il au moins déjà donné des preuves? Il est arrivé, Dieu sait comment, à Paris, seul, alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Dire que tantôt vous lui avez confié de nouveau de l'argent. Il lui en fallait pour retourner à Ispahan et tâcher de savoir ce que fabrique Pierre. Votre neveu, parlons-en. Celui-là ne risque rien à vous tromper, que dis-je? Vous trahir, bloqué à Paris que vous êtes. Il ne doit avoir qu'une crainte, c'est que vous cédiez, que vous abjuriez pour conserver vos moyens d'agir. Oh, j'espère que tu te trompes, Suzanne. Grâce à Duplessis, je pourrais peut-être obtenir ce visa pour régler mes affaires en Suisse. Oui. Il y travaille, tu l'as entendu. Et mieux vaut procéder à cette donation avant qu'il soit trop tard. Et moi ? J'ai aussi entendu le sieur Duplessis dire que le roi est mécontent des honneurs que vous avez acceptés de la cour de Brandebourg. Grand chambellan. Assez, Suzanne. Personne ne pouvait prévoir. Je suis épuisé. Avant de partir, aide-moi à me redresser. Et donne-moi ce sous-main vert, là... Si tu veux bien. Regarde. C'est la copie de la lettre d'anoblissement que le roi a signée de sa propre main la grande année de 1669. 3 mois après que je lui ai vendu plus de 1000 diamants. 1000. Tu te rends compte? Dans ce fameux diamant bleu... Mais moi, je n'aime que les plus transparents des diamants. Question de mode ou non, c'est ainsi. À demain, mon oncle. Et surtout, n'oubliez pas, pas un mot de nos projets. À quiconque. Bonne nuit. Oui, à demain. Comment un commissaire de police ose-t-il me menacer? Qu'il revienne, et je lui montre à qui il a affaire. Les bons et agréables services qui ont été rendus au feu roi par notre bien-aimé Jean-Baptiste Tavernier, lequel, dès l'âge de 18 ans, a commencé à porter les armes. Ah oui, voilà. Et après des fatigues extraordinaires, mais avec tant de bonheur, il est revenu en France par la Perse en moins de 4 années. Puis il est reparti reconnaître les états du Turc, ceux du roi de Perse, l'empire du Mogol, les royaumes de Golconde et de Visapour, les îles de Sumatra et de Java, et au retour le cap de Bonne-Espérance. Et en tous ses voyages, il a, dans ses entretiens avec les princes, pu établir l'opinion de notre puissance et de la grandeur de notre royaume. Et au retour, nous a rendu un compte fidèle de tout ce qu'il a fait pour notre service. tout ce qu'il a fait pour notre service. Comment ce vieil homme peut-il admettre, d'un soir au matin, que le monde a basculé, qu'il ne retrouvera peut-être jamais celui qu'il aimait ? Hier encore, Jean-Baptiste Tavernier, écuyer, baron d'Aubonne, auteur des 6 voyages en Turquie, en Perse et aux Indes, traduits à travers toute l'Europe, ne pouvait franchir les portes d'une ville sans que les invitations des princes ne le précèdent à son auberge. Partout, on voulait l'entendre, l'interroger sur le Grand Mogol ou le Taj Mahal. En cette période avide d'Orient, où les soies, les épices, les tapis de Perse, les diamants extraits des mines de Golconde se répandaient aussi vite que les plus précieux des objets d'art, les cartes et les globes terrestres. L'exotisme régnait, même si le mot n'avait pas encore forcé les portes du dictionnaire, et Tavernier en était l'un des héros. Une époque bénie dont le vieil homme se souvient avec nostalgie. Cher baron d'Aubonne, un de mes jeunes amis rêve de voyager sur vos traces. Vraiment ? Il n'ose vous prier de nous éclairer sur le grand mystère du gouvernement de l'Inde par les Moghols. Il se demande aussi comment ces mahométans peuvent diriger un empire où les idolâtres sont 5 ou 6 fois plus nombreux qu'eux. Eh bien, c'est qu'aux Indes, madame, les systèmes de caste et de superstition ont introduit une bien étrange diversité de coutumes. En fonction de sa caste, chacun a une seule tâche à accomplir, et s'y tient. Celui qui est chargé d'entretenir la pipe de son maître préférerait mourir que de nettoyer le sol. Quant à la caste des Alakors, par exemple, elle n'est occupée qu'à vider les ordures des maisons et vit des restes de ce que mangent les autres. Mais précisément, si je puis m'enhardir à propos des Indes, est-il vrai que les femmes se font brûler après la mort de leur mari ? Les manières de brûler les veuves sont différentes suivant les régions. Au royaume de Gujarat, la femme et le cadavre du mari sont enfermés dans une petite hutte faite de bois et de roseaux sur laquelle les brahmins, qui sont des sortes de prêtres, les parents et les amis, jettent des pots d'huile dans le feu, afin que la femme languisse moins et soit plutôt consumée. Oh, quelle horreur ! C'est donc là que se jugent les véritables amis. Il y a ceux qui vous laissent consumer à petit feu et les autres. Les princes moghols qui tentent de lutter contre ces coutumes n'y parviennent pas. Mais voyez-vous, car il faut être juste, j'ai aussi pu constater au long de mes séjours que le peuple des idolâtres, s'il est dans le dernier aveuglement pour la connaissance de Dieu, c'est aussi, en bien des domaines, se montrer moralement des plus respectables. L'adultère est fort rare chez eux, et l'on n'y entend jamais parler de sodomie. C'était l'époque, désormais bien lointaine, où Jean-Baptiste Tavernier se sentait le roi du monde. Il racontait ses aventures, assis dans une bergère, au milieu d'un public avide d'en apprendre toujours davantage sur l'Orient et ses mystères. Lui qui ne manquait pas non plus de célébrer partout la grandeur de Louis XIV. On ne peut pas continuer comme ça. Chut ! On va t'entendre de la rue. Nous n'avons que trop traîné à attendre que ton grand-oncle obtienne enfin ce maudit passeport. Il se croit au-dessus des lois scélérates. Jean, les enfants. Ils sont en âge et en droit d'entendre. Melchior, va chercher de l'eau, veux-tu ? Nous devons partir, nous ne pouvons plus attendre, il faut prendre la route sans lui. Il y en a beaucoup qui partent, mais combien réussissent à passer aux Provinces Unies ? C'est trop risqué. Tu ne vois donc pas que ça allait plus encore de rester ? Le roi finira sans doute par laisser partir le baron, mais il s'illusionne s'il pense pouvoir emmener des gens avec lui. Les protections dont il croyait jouir, voici qu'un jour s'effondrent les unes après les autres. Et lui ne sera pas emprisonné, mais nous. C'est le sort de la famille Beck qui nous attend. Comment serions-nous à l'abri ? Imagine seulement que mon frère cède. S'il abjure sa foi protestante, eh bien, tous nos biens lui seront acquis aussitôt. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jean? Tu ne vois pas que Gabriel hésite? Tu n'as pas vu comme il était fuyant dimanche? Non, il faut partir avant, c'est urgent. Et tu sais quoi? Ça m'a réveillé cette nuit. Je me suis souvenu. Ton grand-oncle, il m'avait raconté un jour comment les Perses faisaient pour inciter les Arméniens à quitter le christianisme. Il appelle ça, je crois... La loi d'Ali. Oui, je me souviens. Quand un chrétien s'est rendu mahométant, tout le bien de son père lui revient en héritage sans que les frères y puissent avoir part. Chut, Jean! On va t'entendre. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose qu'a décrété le roi pour nous autres? Tu délires. Suzanne, c'en est fini de tergiverser. Préviens ton oncle demain si tu veux. Dis-lui que nous partons retrouver mon cousin Abraham à Amsterdam. On dit que le grand électeur de Brandebourg annonce des exemptions d'impôts pour les artisans qui viendraient de France. Oui, mais à Amsterdam, nous aurons un point de chute au moins provisoire, pas à Berlin. J'ai tout organisé. Tu as fini de coudre les pierres précieuses? Dans 4 de nos vêtements. Oui. Jeudi matin à l'aube, nous partirons 3 par 3. Sans bagages. Ils risqueraient de nous trahir. Voilà. Voulez-vous relire le second exemplaire? Que nous le signions également. Messire Jean-Baptiste Tavernier, baron d'Aubonne, a reconnu et confessé que Jacques Delaunay, sieur Duplessis, demeurant à Paris rue des Maçons, ici présent, lui a remis tous les meubles, tapisseries, marchandises et autres effets que le dit sieur Tavernier avait dès le mois de mars 1685 fait porter en la maison du dit sieur Delaunay pour les lui garder ensemble. Le sieur Tavernier a déclaré qu'il les donnait par donation irrévocable au dit sieur Duplessis, acceptant pour en disposer comme lui appartenant, et ce pour la bonne amitié que le dit sieur Tavernier porte au dit sieur Duplessis. Le 10 janvier 1687, avant midi, en signé. Parfait. Dites-moi maintenant, où en sont mes affaires à la cour? Le roi accepte de vous délivrer un passeport afin que vous alliez régler vos affaires en Suisse. Ah, enfin. Il me faut trouver des gens pour quitter Paris, quoi qu'il en soit. Vos petits-neveux ne partent plus avec vous? Chut! Je ne sais s'ils sont partis ce matin ou s'ils partent demain. Ils ne peuvent plus attendre. Peut-être est-ce mieux. J'engagerai de fervents catholiques qui m'éviteront tout problème à la frontière helvète. Cela vous gêne? Pas le moins du monde. J'ai toujours eu parmi mes gens des catholiques comme des protestants. Que chacun soit bien dans sa religion et respecte les autres, voilà toute l'affaire. Jacques, le roi réclame une caution. Une caution? De 50 000 livres. 50 000 livres? Il dit que vous la récupérez à votre retour. Il se méfie d'un départ qui serait en vérité définitif. Avouez que sur ce point... Mais comment les réunirais-je dans les conditions présentes? Je peux vous aider. Comment le roi a-t-il pu tout oublier de sa lettre, de mes services qu'il jugeait autrefois si précieux? N'a-t-il pas écrit de sa propre main que moi, Jean-Baptiste Tavernier, je pouvais jouir de tous les privilèges et prérogatives dont jouissent les autres nobles du royaume? En quoi ai-je dérogé? Vous savez l'amitié que j'ai pour vous, Jean-Baptiste. Mais de fait, quelle erreur, vraiment. Vous avez durablement froissé Sa Majesté en acceptant cette proposition prussienne de devenir grand chambellan. Jacques, comment aurais-je pu refuser? Nous n'étions pas en guerre, que je sache, quand j'ai répondu aux appels du grand électeur. C'était vous mettre en concurrence avec la Compagnie des Indes de France, qui a bien du mal à... Comment s'étonner? À n'employer que des incompétents. Je les ai vus à l'œuvre, aux Indes, ces ambassadeurs de France, incapables de comprendre qu'en ces pays lointains, on ne peut rien obtenir sans adopter les us et coutumes locales, et travailler à obtenir la confiance des conseillers influents. D'un ridicule. Vous les auriez vus dans leur tenue d'Européens, plein de morgues. Je peux vous aider à rassembler l'argent en vendant quelques-unes de vos pierres. Quelques-unes. Il en faut des diamants pour atteindre 50 000 livres. Et de la plus belle eau, sans compter les frais de voiture. de logement jusqu'en Suisse où je dois rejoindre Madeleine avant de reprendre la route. Et cette caravane qui arrivera donc jamais. Vous n'avez toujours aucune nouvelle de votre neveu ? Aucune nouvelle de Pierre. La caravane aurait dû passer par Ispahan voici 6 mois. Et votre beau-frère, Philippe de Sanis, il est parti sur ses traces ? Oui. Il doit être à Moscou à cette heure-ci. Mais non, en réalité, je n'ai pas non plus de nouvelles de lui. Je sais, vous ne l'avez jamais apprécié. Vous prêtez de longue date une oreille bien complaisante à ce jeune homme qui prétend avoir fui la Perse pour ne pas perdre ses beaux yeux. Mais il est tout à fait exact que les derniers chats de Perse ont fait crever les yeux de tous les princes du sang persan qui menaçaient de prétendre au trône. Mon neveu Pierre m'a confirmé toute l'histoire de Philippe de Sanis. Seulement votre neveu, depuis, vous a trahi, semble-t-il. Et peut-être vous a-t-il déjà trahi en confirmant les dires de Sanis. Je me demande si c'était vraiment une bonne idée d'envoyer Philippe de Sanis régler l'affaire. Vous croyez ? Peut-être sont-ils de mèche tous les deux. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez placé votre neveu Pierre, dès ses 12 ans, chez les frères Capucins d'Ispahan, afin qu'il apprenne la langue et les mœurs du pays ? Oui, oui. Je l'avais emmené en Perse lors de mon 3e voyage. Et je l'avais confié aux Capucins d'Ispahan. Philippe de Sanis en parle souvent aussi. Encore une fois, Jean-Baptiste, ces deux garçons ont le même âge. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'ils pourraient être de mèche. Je sais, Jacques. J'ai écrit à mes amis les pères Capucins d'Ispahan pour avoir des nouvelles. J'attends leur réponse. Mon Dieu, comme il est dangereux d'être en état de faiblesse dans ce monde. Faudra-t-il que je me mette moi-même en route une fois de plus ? Coupé de tout moyen d'action, blessé dans son orgueil, séparé des siens, l'homme qui avait été chargé d'annoncer jusqu'aux Indes la naissance du futur Louis XIV en 1638, le voici à terre. À 80 ans, sa splendeur passée ne le console en rien d'un constat implacable. Son neveu Pierre, manifestement, profite à Ispahan de la situation pour le flouer du contenu de la dernière caravane revenue des Indes, chargée d'une fortune en épices, tapis, perles ou diamants. Le vieil homme doit désormais se rendre à la triste évidence, Pierre n'a pas agi seul. Et quand sa nièce, Suzanne, prend le risque de l'exil avec mari et enfant, c'est donc tout son entourage familial qui l'abandonne. Convenu 3 par 3. Tu as bien retenu le nom du chartier. Oui, de la mare. 50 mètres après ce qui fut notre temple. On verra ce qu'il en reste. Allons-y, haut les cœurs. Quelle tristesse de quitter son logis. Tout est en ordre, Jean-Baptiste. Voici le passeport ainsi que les lettres de change dont nous avons convenu. Merci, mon ami. Merci pour tout. Dieu vous le revaudra. Adieu. Qui sait, cette terreur peut-être finira par cesser. Vous pourrez revenir. J'en doute. À peine arrivé en Suisse, je crains qu'il ne me faille quitter à nouveau Madeleine et me remettre en route vers l'Orient, via Moscou. À votre âge. Il semble que vous aviez raison, Jacques. Les pères Capucins d'Ispahan m'ont répondu. À propos de Philippe de Sanis ? Je dois vérifier les affaires qu'il a faites en mon nom à Moscou et gagner Ispahan à mon tour. J'ai désormais tout lieu de croire qu'il n'est pas davantage prince du sang persan que je ne suis fils de pape. Il serait en réalité issu d'une famille d'Arméniens pratiquantes et aurait été élevé par les Capucins d'Ispahan comme mon neveu. On ne peut qu'imaginer l'ultime départ de Jean-Baptiste Tavernier, illustre négociant en pierres précieuses, ruiné par la révocation de l'édit de Nantes et la trahison de ses proches. On sait très peu de choses des raisons qui ont contraint ce vieillard de 81 ans à entreprendre un septième voyage vers l'Orient. On sait en revanche qu'il mourra en route, à Moscou, à la fin de l'hiver 1689. Peut-être était-il lancé sur les traces de son fascinant et très jeune beau-frère, Philippe de Sanis, alias Philippe de Zaglu, alias Cheikh Ali Beg. Cet escroc de la plus belle eau sera condamné à mort 3 décennies plus tard à Ispahan. Il avait entre-temps récupéré en Perse une partie de la fortune que Jean-Baptiste Tavernier y avait acquise autrefois. Une chose est sûre, précipité dans l'ombre par le roi Soleil, le chantre de la confiance qu'aura été Jean-Baptiste Tavernier a dû reprendre à plus de 80 ans la route de la Perse qu'il n'atteindra jamais. Enfin libre. Libre. Mon Dieu, comme je te remercie de m'avoir arraché à cette épreuve. Toi qui m'as toujours préservé du danger sur terre comme sur mer. Quelle faiblesse j'ai eu de croire que tout aurait été plus simple si j'avais cédé, si j'avais abjuré ma foi. Jean-Baptiste Tavernier et la révocation de l'édit de Nantes de Bertrand Leclerc, avec Jean-Baptiste Tavernier, Jean-Luc Porraz, Suzanne Soubéran, Éléonore Bernheim, le sieur Duplessis, Serge Noël, Jean Soubéran, Norbert Ferrer, l'indicateur de police, Xavier Xapla, une femme, Ariane van Berendt, et les voix de Quentin Barbosa et Assia Nadjar. Bruitage, Sophie Bissans, prise de son, montage et mixage, Jason Taous et Pierre Henry, assistante à la réalisation, Alexandra Garcia-Villa, réalisation, Pascal Deux. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Jean-Baptiste Tavernier et la révocation de l'édit de Nantes avec mon invité Patrick Cabanel. Lurch to silence, ease the wildness. Your embrace clears the storm in my head. Why do I love you more when I'm waiting? I only welcome care when I'm wounded. You are a promise of brightness, the triumph of life over self-hate. But I take all you gave for granted. Really matters, I keep breaking. I'm turning horizons into battlegrounds. I cannot walk ahead without your guidance. Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Guidance. I'm turning horizons. And every step I take without a sound. Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Can I hold on? Can I hold on to you? Woodkid, Horizons into Battlegrounds sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Patrick Cabanel, nous avons donc quitté Jean-Baptiste Tavernier, vieux, malade, humilié, seul, appauvri aussi, qui prend la route de l'exil pour la Suisse d'abord, et puis ensuite il passera par Moscou où il trouve la mort en 1689. C'est un grand voyageur, mais c'est un exilé, une victime aussi des persécutions contre les protestants. Alors quelles sont les raisons qui ont amené Louis XIV à ordonner cette révocation de l'édit de Nantes en 1685? J'ai dit à un moment dans la fiction 1686, mais bien c'est en octobre 1685. L'édit de Nantes fonctionnait bien, mais il se trouve que en 1661, lorsqu'on parle de majorité Louis XIV, il a tenu à reprendre la main sur les affaires, à imposer sa marque. Et je crois qu'il y avait chez lui quelque chose qui d'ailleurs est assez banal finalement dans l'Europe absolutiste du temps, la volonté de refaire, de renouer avec l'unité spirituelle de la nation. Et pour cela, il était prêt, je dirais, à l'essentiel, c'est-à-dire à supprimer cet édit qui avait autorisé et organisé l'existence légale d'une minorité en France. Voilà, c'est le refus de la différence et la passion de l'unité spirituelle et de l'unité tout court. Il y a une idée un peu d'une pureté religieuse, quelque chose de totalitaire un peu, non ? Alors, c'est peut-être un petit peu anachronique, mais... Le mot totalitaire, évidemment, enfin, diminution anachronique, en même temps, inintéressant. Il avait été utilisé par une des grandes historiennes de la politique religieuse de Louis XIV, Isabelle de la Brousse, laissant, oui, il y a quelque chose, on est au-delà de l'autoritarisme, c'est l'idée que la division, la différence, est un affaiblissement de la nation, du royaume, et c'est le goût de l'unité. Alors, on peut pas parler de totalitarisme, mais voilà, on est allé très loin, on est allé jusqu'à forcer bien sûr les corps, on est allé jusqu'à forcer les consciences, on a utilisé toutes les formes de violence, et cette collision de violence a conduit à ce qui paraissait une solution simple, lumineuse, limpide, la révocation, la disparition de la différence, le retour au bonheur d'être tous ensemble réunis sous une même foi. Le problème, c'est que c'était à la fois quelque chose de très cruel pour la minorité, et puis ça a été aussi tout simplement une fiction religieuse et politique, fiction qui a duré un siècle, jusqu'à ce que Louis XVI, en 1787, reconnaisse qu'il y avait fiction et que le protestantisme n'avait pas disparu du royaume. Concrètement, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que du jour au lendemain, le protestantisme est devenu interdit, et on a poussé donc les protestants à se convertir sous peine de quoi? De mourir, d'être spolié de ses biens, d'être... Alors, c'est pas du jour au lendemain. Il y a eu une sorte de descente aux enfers, si on peut dire. Une longue pente qui a commencé donc au début des années 1660 avec ce qu'on a appelé l'application à la rigueur. C'est-à-dire que Louis XIV a tenté méthodiquement, systématiquement, avec ses intendants, plus tard avec ses dragons, avec, il faut bien le dire, l'appui de l'Église catholique, il a tenté de réduire de plus en plus systématiquement l'espace religieux, mais aussi l'espace social, l'espace économique, de la minorité protestante. Et donc, on s'est attaqué à la liberté du culte, on a détruit par vagues successives les temples sous des prétextes juridiques qu'il était facile de trouver lorsqu'on veut vraiment mettre à genoux une minorité. Et petit à petit, la minorité s'est trouvée emprisonnée jusqu'au jour où, après l'envoi de ces fameux dragons, d'ailleurs, à un certain moment, l'envoi n'a même pas été nécessaire. La seule rumeur de l'arrivée des dragons a fait que de grandes églises protestantes, celles de Nîmes, de Montpellier, de Montauban, se sont effondrées comme un château de cartes. Et à partir de là, ce fut la divine surprise. Le protestantisme venait d'abjurer collectivement en quelques semaines, quelques jours. Et Louis XIV a considéré qu'il n'y avait plus à maintenir un édit qui avait organisé l'existence d'une minorité qui venait de se renoncer à elle-même. Et c'est donc la suite de ces conversions en vague a conduit à l'édit de Fontainebleau, prenant acte, entre guillemets, de la disparition du protestantisme en France. Mais il y a eu quand même des menaces physiques sur ces protestants. Oui, les menaces sont économiques, elles sont sociales, elles sont physiques. Le plus gros des menaces physiques, ce sont évidemment ces dragonnades, qui sont une sorte, je dirais, de légende noire de Louis XIV, mais qui sont aussi une réalité. Et puis, ce qu'il faut dire surtout, c'est que Louis XIV a interdit systématiquement l'exil. Il n'a autorisé que les pasteurs à partir, et ça c'était très politique. On espérait, en décapitant sacerdotalement, si je puis dire, la minorité, on allait l'éparpiller. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs. Mais pour les autres, l'ensemble des laïcs, des plus pauvres aux plus riches, il était interdit d'émigrer. Et là, la condamnation, c'était la prison à vie pour les femmes, d'où la célèbre Tour de Constance et d'autres prisons de ce genre. Et puis les galères, les fameuses galères à vie pour les hommes. Comment réagissent les protestants? Donc ils sont surpris, la plupart se convertissent, ils n'ont pas le choix. Donc, et on voit aussi un système de délation qui se développe, on l'a entendu dans la fiction, enfin, on craint, il y a une forte pression aussi sur les catholiques pour ne pas venir en aide aux protestants. Oui, il y a, je dirais, tout le spectacle habituel de l'humanité. Lorsqu'une crise politique majeure intervient, il y a des profiteurs, il y a des gens qui sont généreux, il y a des catholiques qui ont aidé, qui ont fermé les yeux, il y a des passeurs qui se faisaient payer, puis qui ont trahi les gens qu'ils étaient censés faire passer, notamment du côté de Genève. Donc on a, à peu près l'éventail de toutes les attitudes possibles, sachant effectivement que la persécution était extrêmement sévère contre les protestants, et qui se sont trouvés d'une certaine manière isolés, et chacun s'est trouvé devant un choix, choix de sa conscience, soit l'exil, qui était dangereux, qui était donc au risque, je viens de dire, mais que des dizaines de milliers d'entre eux ont choisi malgré tout, mais la plupart ont joué un double jeu, avec une forme d'ailleurs d'intelligence sociale, et ce double jeu, ils l'ont joué sur plusieurs générations, jusqu'à ce que, pour aller vite, la Révolution française leur permette de redevenir au grand jour les protestants qu'ils n'avaient jamais cessé d'être. Patrick Cabanel, dans votre livre, vous dites qu'il s'agit d'une catastrophe démographique et sociale sans précédent, l'équivalent de 15 massacres de la Saint-Barthélemy. Est-ce que c'est aussi une catastrophe économique pour la France? Ça a été beaucoup dit. Le premier qui l'ait dit était un grand serviteur du roi qui a eu le courage d'essayer de faire savoir à Louis XIV qu'il avait commis une erreur. Et une erreur pas sur le plan moral, mais sur le plan de la grandeur de l'intérêt économique de la France, c'est Vauban. Et à partir de là, on a dit, quasiment jusqu'à nos jours, on a dit que la France avait commis une erreur fondamentale en s'appauvrissant d'une partie de ses élites, notamment économiques. C'est vrai, mais au-delà, je dirais, de l'affaiblissement économique, ce que la France a perdu en faisant la révocation, elle a perdu une minorité qui générait, je dirais, beaucoup d'élites, c'est-à-dire, il est parti des capitaines d'industrie, il est parti des officiers de haut rang, il est parti des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers spécialisés, des médecins, etc., des intellectuels, des journalistes, au sens du 18e, c'est-à-dire des créateurs de revues scientifiques de haut vol, qui sont allés effectivement enrichir certains pays qui, par une sorte de revanche ironique de l'histoire, sont devenus plus tard des adversaires de la France. La Grande-Bretagne du côté économique et la Prusse, le Brandebourg devenu Prusse puis Allemagne, du côté, je dirais, la lutte des nations. Donc il y a une sorte effectivement d'ironie de l'histoire à propos d'un pays qui, comme quelques dizaines d'années auparavant l'Espagne, avait cru bon de choisir l'unité plutôt que la diversité et qui a à l'évidence perdu une partie, pas une majorité, mais une partie de son talent. Merci beaucoup Patrick Cabanel de nous avoir rappelé cette histoire encore assez méconnue. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de votre « Histoire des protestants en France » paru chez Fayard en 2012. Et vous êtes l'auteur également de « Nous devions le faire, nous l'avons fait, c'est tout ». Cévennes, l'histoire d'une terre de refuge, 1940-1944, paru aux éditions Alcide Nîmes, 2018. Et merci bien sûr à France Bleu Gard Lozère. Voilà, c'est la fin d'Autant en emporte l'histoire, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires y sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, au programme, un autre personnage haut en couleur et aventureux, Catalina de Raoso, soldat espagnol courageux, dueliste hors pair et bagarreur, parti tenter sa chance en Amérique au début du XVIIe siècle. Mais le beau Matamor a un lourd secret, un passé de nonne. Catalina de Raoso, nonne et soldat, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.